Bandard, devenu le chef, Craig et W, Ouzoukishi Bang Bang, tous les renards. Eh, hey, tous les renards me connaissent. Je suis parmi tous ces connards. J'ai toujours tenu mes promesses. Tu fumeras pas sur mon collage. Je passe par la toiture. Je descends par la cheminée. Je vole les clés de la voiture. Et je démarre, là c'est trop miné. J'ai grandi à Valenton. Et dans la cave ça puait la pisse. Y'en a très peu qui m'ont fait la passe. Et aujourd'hui ça se fait la bise. Monsieur Zemmour, ça fait longtemps qu'on dit plus Ziva. Peut-être tu préfères Zazie. Mais nous on préfère Aziza. J'ai été déçu tellement de fois, gros, ça m'inquiète plus trop. Je rentre dans la cabine avec des schlasses derrière le dos. J'ai toujours dit la vérité, chez moi y'a pas de mensonges. C'est bien les voitures et les armes, mais là y'a plus de messages. Des grognacs, du classique, du trafic et de la fausse monnaie. C'est que des artistes, ils font les gros bonnets. Je suis dans la pratique, depuis la mort venait. Des grognacs, du classique, du trafic et de la fausse monnaie. C'est que des artistes, ils font les gros bonnets. Je suis dans la pratique depuis la mort venait. Et vous vous coiffez comme des femmes. Vous connaissez pas les drames. Y'a un petit con qui voulait faire un tête. J'ai dégainé ma lame. Allez hop, moi je vous fuck comme tous les jeunes de mon époque. À 17 ans j'avais un Glock. Ma mère le trouve et c'est le choc. À la baraque comme un malade. J'étais posé devant la Starac. On m'a dit la mine c'est quoi ça. Et j'ai raconté des salades. Et après passer l'escalade. Quand tu cours après l'escalade. Quand tu bicraves dans l'escalier. Y'a que des gueuches là et des malades. Et j'ai vadrouillé dans Panam. C'était pas pour faire des balades. J'grattais les murs comme un taré. Ces enfoirés ils étaient pas là. Oui j'ai déjà menti au poulet. Dans ma fouille y'avait une cara. Si Paris c'est Wakanda, voilà Gizmo c'est Tchala. Merde, putain de merde, donne-moi le fric ou on bute un mec. Putain de merde. On voulait un verre, on a bu la thé. J'ai trop fumé, je suis KO. Mais je me fais jamais couiller. Naké, je tape pas dans le pao. Sérieux, on préfère les douiller. Boulettes dans les fesses. Inch'Allah, je me fais pas fouiller. Y'avait des averses. Le renard est rentré mouillé. Putain de merde. Des grognacs, du classique, du trafic et de la fausse monnaie. C'est que des artistes, ils font les gros bonnets. Je suis dans la pratique depuis la mort venait. Des grognacs, du classique, du trafic et de la fausse monnaie. C'est que des artistes, ils font les gros bonnets. Je suis dans la pratique depuis la mort venait. Je veux des euros, je veux des dollars, je fume le popo, ancien tolard. Je suis pas trop beau, je suis un zonard. Je suis dans l'auto, j'en fais un sonar. Je veux des euros, je veux des dollars, je fume le popo, ancien tolard. Je suis pas trop beau, je suis un zonard. Je suis dans l'auto, j'en fais un sonar. Je roule le pollen et je me casse au Mali. J'ai pris un tachit, j'ai mis ça dans la lune. La plupart des rappeurs